بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala la lecture des chapitres concernant la médisance tirés de Riyad al-Salihin de l'Hafid al-Nawawi rahimahullah. Ensuite, il dit, rahimahullah, bab tahrim sima' al-riba. Wa amru man sami'a ghibatan muharramatan bi raddiha. Wal inkaru 'ala qa'ilha. Fa in 'ajaza aw lam yaqbal minhu faraka dhalika al-majlis in amkanahu. Ma sha Allah. Le titre du chapitre, il est long, mais il est clair. L'interdiction d'écouter la médisance. Et donc, il nous a parlé tout à l'heure, il nous a parlé précédemment, du moins, il nous a montré l'interdiction de faire de la médisance. Et maintenant, il nous montre l'interdiction d'écouter la médisance. Et donc, on a une première interdiction. Et tout à l'heure, il nous a cité, du moins pas tout à l'heure, excusez-moi, précédemment, il nous a cité le chapitre concernant l'interdiction de la médisance et son contraire, l'ordre de préserver, le commandement quant au fait de préserver nos langues. Interdiction de la médisance et l'ordre de préserver nos langues. Là, il nous dit l'interdiction d'écouter la médisance et l'ordre concernant celui qui a entendu de la médisance interdite de la rejeter. Et de blâmer, de faire le reproche à celui qui a fait cette médisance. S'il n'en a pas la capacité, s'il n'a pas la capacité de reprocher, ou s'il n'a pas la capacité, ou alors si l'autre n'accepte pas le conseil, tu as entendu quelqu'un faire de la médisance, tu lui fais le reproche. Ittaqillah ya akhi, ne parle pas sur ton frère. Ittaqillah ya urti, ne parle pas sur ta sœur, etc., etc. La personne n'a pas accepté. Si elle n'accepte pas, il nous dit faraka dhalikal majlis in amkanahu. Alors à ce moment-là, il délaisse cette assise s'il en a la capacité. Ya akhi, taqillah, arrête de parler sur ton frère. Non, mais c'est lui. Nana. Ok, salam alaikum. Je t'ai conseillé, lillah. Tu ne veux pas arrêter la médisance? Moi, je ne participe pas à ça. Salam alaikum, je pars. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre qu'on nazzal alaikum fil kitab an idha sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum. Certes, il a été descendu. Certes, il a descendu pour vous, sur vous dans le livre. Lorsque vous entendez les versets d'Allah qui sont rejetés ou qui sont pris en moquerie, alors ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Et si vous le faites, alors vous êtes comme eux. Si vous vous asseyez avec eux, alors vous êtes comme eux. Ne t'assieds pas avec les transgresseurs. Le problème, wallahi les frères, c'est dommage. Les gens, ils vont comprendre dans certaines situations. Quelle situation, si on est là et qu'il y a un dealer qui est en train de dealer comme ça dans le merkez, devant tout le monde. Tout le monde va lui dire, arrête tes bêtises là, tu vas nous faire des problèmes, etc. Déjà, ce que tu fais, c'est interdit. Mais en plus de ça, tu fais ça dans le merkez, tu vas nous amener des problèmes. Il ne s'arrête pas, il continue, il ramène des dealers, il y en a d'autres qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont se lever, ils vont dire, ah non, moi, je ne veux pas te mêler à ça, après, je vais finir en prison et tout. Non, non, non, salam alaikum. Mais Yakour, ah, tu peux me dire Yakour, 1000 fois, je ne viens pas. Je ne viens pas, jusqu'à ce que vous réglez ce problème de dealer-là. Moi, je n'ai pas envie d'aller au poste cette nuit. Je n'ai pas envie de passer la nuit en garde à vue. T'as, et donc là, on comprend, on ne doit pas rester dans ce genre d'assise. Une assise, il y a des dealers, il y a de la drogue qui tourne, etc. On ne reste pas dans cette assise. T'as, une assise où il y a de la médisance, les frères. On reste, Adi. Sous prétexte qu'on ne te met pas en prison à cause de la médisance, tu restes. Et donc, on ne comprend que quand il y a le bâton au-dessus de nos têtes, en fait. Que quand il y a le bâton au-dessus de nos têtes. À prison, garde à vue, si, là, on comprend. Mais lorsqu'on nous dit « Allah l'a interdit, il y a une punition très lourde dans l'au-delà. » Inch'Allah khair. Allah ghafour rahim. Et donc, le gros problème, il est là. Il faut qu'on craigne Allah tabaraka wa ta'ala et qu'on se rappelle qu'il est dur en châtiment. Et donc, Al-Hafiz al-Nawawi, comme à son habitude, avec... après nous avoir cité le nom du chapitre, il cite des versets avant d'aborder les hadiths. Et donc il dit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa idha sami'u al-lagwa a'radu 'anhu. Lorsqu'ils entendent donc des futilités, ils s'en détournent. Ici, dans ce verset ou dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de qui? Il nous parle des savants, des gens de science. Parmi les gens du livre. Les gens du livre qui ont cru à la Torah, à l'évangile, et lorsque le Coran est venu, ils ont cru au Coran aussi. Des gens de science qui ont appliqué leur science et qui ont suivi la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite des caractéristiques de ces personnes-là et il nous dit Oulaika yu'tauna ajrahum marratayn. À ces gens-là, on leur donnera leur récompense deux fois. Parce qu'ils ont cru avant le prophète et ils ont cru après la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Oulaika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a. Subhanallah. Et donc, on leur donnera leur récompense deux fois à cause de l'endurance qu'ils ont eue. Ils ont été endurants. On a dit, les frères, il faut qu'on soit endurant jusqu'à la mort. Hein? Tu délaisses les péchés, tu délaisses la désobéissance jusqu'à la mort. Et il nous dit, tabaraka wa ta'ala, ces gens-là, ils repoussent. Yadaraoun, ils repoussent le mal par le bien. Quelqu'un leur fait des injustices, ils ne répondent pas à l'injustice par l'injustice. Il a mal parlé sur toi, c'est pas une raison pour que toi, tu ailles mal parler sur lui. Et donc, ils ne répondent pas à l'injustice par l'injustice, mais ils répondent à l'injustice par le bien. Par le bien. Et il continue, tabaraka wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, et ils dépensent de ce que nous leur avons accordé comme subsistance. Wa idha sami'u al-lahwa a'radu 'an, et lorsqu'ils entendent des futilités, ils s'en détournent. Ils ne veulent pas participer à ça. Ils ne veulent pas être mélangés à ça. Ce sont eux qui ont la récompense dans l'au-delà. Ils voient des gens qui pratiquent de la médisance, qui pratiquent des péchés, toute forme de péché, des bidards ou autres. Ils ne veulent pas. Ah, radouan, ils s'en détournent. Ils leur donnent leur dos. Aujourd'hui, quelqu'un nous fait ça, on va dire, ah, quel mauvais comportement. Non, c'est ça le hack. C'est ça le hack. Tu es là, tu fais de la médisance. Il te conseille, il te dit, Akhi, arrête ça. J'ai pas envie de participer à ce genre de choses. Ouais, non, mais c'est lui. Ok, salam alaikum. Il se lève. Waouh, Zoubillah, il est parti. Et il nous a donné son dos. Naam, alhamdulillah. Il a respecté le Coran et la Sunna. Il n'a pas le droit de rester dans cette assise. Il lui est interdit de rester dans cette assise où il y a de la médisance. Et donc, ces gens-là, ils s'en détournent. Ils se détournent de ce genre d'assise où il y a des... futilité. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum. Ah, subhanallah. Et donc ils se détournent et ils disent nous avons nos œuvres à nous et vous vous avez vos œuvres. On vous a conseillé le bien, vous ne voulez pas, on ne peut pas vous forcer. On ne peut pas vous forcer. Je peux pas te forcer, mais par contre toi ne me force pas à rester. Vous avez vos œuvres et nous on a les nôtres. Salamun alaykum. C'est-à-dire, vous n'allez trouver de nous que du bien. Que du salam. Ça veut dire, dans la réponse que nous allons vous donner, nous allons être préservés de tout péché, de toute désobéissance. Pourquoi ? La nabtar il jahilin. Parce que nous ne recherchons pas les ignorants. Ce n'est pas les ignorants qu'on veut. El-Jahilin, ce qui est voulu ici, ce sont des gens qui se comportent comme des ignorants. Ils savent que c'est haram. Ils savent que la médisance, c'est interdit. Tu lui dis, Akhi, taqillah, mais il fait comme s'il est ignorant. La rage, il n'en peut plus. Il faut qu'il parle sur son frère. Et donc, il fait comme s'il est ignorant. Et donc, nous, ça nous appelle, cher frère, à être fort. Parce que là, lorsque tu assistes à une assise dans laquelle il y a de la médisance, il faut que toi, tu aies une forte personnalité pour rejeter cela. Il ne faut pas que tu subisses. Il ne faut pas que tu sois faible. Ah non, mais si je lui dis stop, il va mal le prendre. Si je lui dis Yahri, peut-être qu'il va penser que je suis d'accord avec l'autre. Et si je lui dis non, Yahri, non, tu lui dis le haq, c'est tout. S'il accepte, alhamdoulilah, il n'accepte pas, c'est de sa faute à lui. Et ensuite, il cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّعْوِ مُعْرِدُونَ C'est donc c'est le même sens. Et ceux qui se détournent de toute futilité. Mais ici, subhanallah, الْحَفِظُ النَّعْوِ رَحِمَهُ اللَّهِ Donc le premier verset, il a cité, c'était les caractéristiques des gens du livre qui ont cru donc au Coran aussi. Et ici, cette caractéristique, c'est dans surat Al-Mu'minun. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite les caractéristiques des croyants. Qad aflaha al-mu'minun. Certes, les croyants ont réussi. Ou les croyants réussiront certainement. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui, dans leur salat, ils ont al-khushu'. La pleine soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Et l'intention pure pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas dans sa salat, il est là avec nous, mais sa tête elle est à Washington ou je ne sais pas où. Non, il est là dans sa salat, il est concentré. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Et donc, vu que dans sa salat, il est concentré, et donc qu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala, cela va l'aider à délaisser les péchés. Et c'est pour cela qu'il se détourne de toute futilité. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Certes, la prière aide à délaisser les turpitudes et le mal. Il dit Ibn al-Uthaymin rahimahullah, certaines personnes ont du mal à délaisser les péchés alors qu'elles font leurs 5 prières à la mosquée. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui prie, mais le cœur n'est pas là. Ce sont des gestes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samara Lumen Hamida, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est des gestes qui sont là. Mais le cœur n'est pas dans la prière. Son cœur, il est ailleurs. À tel point que quand tu lui demandes, alors l'imam, il a récité quoi ? Allahu A'lam. L'imam, il a fait combien de rakat ? Allahu A'lam. J'ai suivi jusqu'à ce qu'il a dit Salam alaikum, Salam alaikum. Khalas. On n'est pas concentré dans la prière. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a cette faiblesse, qu'on a du mal à délaisser ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit. Ensuite, il cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, on voit ici, excusez-moi, on voit donc que cette caractéristique, le fait de ne pas participer aux futilités, le fait de ne pas assister à ce genre d'assises, c'est la religion des muwahidin parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ceux d'avant lui. Et donc, si tu contredis ce principe, tu contredis un principe sur lequel était d'accord la communauté, les pieux parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres communautés. Subhanallah. Ensuite, il cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Certes, lui, la vue, le cœur, concernant tout cela, on sera interrogé. Et donc, encore une fois, on avait déjà cité ce verset, le fait qu'on sera tous interrogés concernant ce qu'on regarde, ce qu'on voit, ce qu'on pense. Et donc toi, tu as entendu du mal sur ton frère, tu n'as pas le droit de participer à cela. Et tu n'as pas le droit d'avoir une mauvaise opinion sur ton frère. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. Oh, vous qui avez cru, délaissez beaucoup de الظَّنِّ, délaissez beaucoup d'opinions, de mauvaises opinions. Certes, certaines opinions sont des péchés. Et donc, cette personne, elle va avoir une mauvaise opinion sur son frère. Elle va se dire, alhamdoulilah, c'est bon, je n'ai pas parlé. Il faut que tu te débarrasses de cette opinion qui est dans ton cœur. Pourquoi? Parce que cette opinion, elle va rester en toi jusqu'à ce qu'elle sorte par ta bouche et que tu prennes le péché. Et donc, il faut que tu t'efforces d'enlever cette mauvaise opinion que tu as de ton frère afin de t'éviter de tomber dans un péché qui est plus grave. Et la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ » Et lorsque tu vois ceux qui transgressent concernant nos versets, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et si Shaitan il te fait oublier, tu as oublié de te lever, tu es resté dans cette assise, à partir du moment où tu t'en rappelles, ne reste pas assis avec eux. Khalas, tu te lèves. On n'a pas le droit, les frères, c'est une faiblesse et c'est un péché de rester, participer à une assise dans laquelle il y a de la médisance, de la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu ne le fais pas, tu restes avec les injustes et donc tu es toi-même injuste. Tu es toi-même injuste. Ne dis pas non, mais je n'ai pas parlé, ce n'est pas moi l'injuste. Oui, tu es injuste parce que tu es resté dans cette assise avec les injustes. Ensuite, il nous cite le premier hadith du chapitre. An Abi Darda radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الله أكبر ما شاء الله. Celui qui défend l'honneur de son frère. Alors Allah tabaraka wa ta'ala repoussera le feu de son visage au jour de la résurrection. Rapporté par Tirmidhi qui dit que le hadith est Hassan. Et donc ici, il y a une grande, grande récompense quant au fait de ne pas participer à la médisance et quant au fait d'avoir le courage de défendre ton frère et de défendre son honneur. Ce même problème qu'on voit tous les jours, des gens qui font des assises de médisance, et qu'il y en a qui ont peur de s'interposer, mais comment je vais faire? Il va mal le prendre. On a vu le même problème dans la fitna. Dans la fitna. Lorsque certains ont violé l'honneur de leurs frères parmi des méchirs, des gens de science, et qu'on dit à certains prédicateurs, certains toulab, défendez les savants, défendez leur honneur, défendez l'honneur des toulab al-ilm, défendez leur honneur. Non, non, je ne prends pas, je ne parle pas. Je ne veux pas parler. Et donc on laisse les gens insulter les méchirs comme ça, sa'afiqa, ignare. Et tu es là, tu assistes, ah, dit normal. Et tu dis, oui, salafi. Salafi, 100%. Subhanallah, l'ali al-azim. Par contre, si quelqu'un parle sur ta mère, sur ton père, sur ton frère, mashallah, tu peux nous sortir un livre entier. Un livre. Et donc, tout ça parce que nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes et faibles. Il faut que tu sois fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini dha'if. Le musulman qui est fort est meilleur et plus aimé d'Allah. Le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé d'Allah que celui qui est faible. Et donc il faut que tu sois fort quand tu vois ce genre de choses, ce genre d'assises, ce genre de péchés qui sont propagés. Il faut que tu sois fort pour t'interposer et dire stop. De la même façon que si quelqu'un t'attaque ou parle sur ta femme, tu vas te dire, mais non, mais je ne peux pas garder le silence, sinon, ah non, on va dire que je n'ai pas de respect pour moi-même, hein, que je ne me respecte pas, je ne défends pas ma femme. C'est on va dire encore, il faut que tu défendes ta femme. Tu ne laisses pas les gens parler comme ça sur ta femme. Tu ne laisses pas les gens parler comme ça sur ta mère, sur ton père. Ben, pareillement sur ton frère, le croyant, c'est pareil. Tu ne laisses pas les gens parler sur ton frère qui est croyant, tu défends ton frère. Et lorsque tu fais cela, tu as une grande récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il repousse le feu de ton visage au jour de la résurrection. Ya Allah. Ya Allah. Inch'Allah. Bi idnillah, on continue à défendre les ulémas. Inch'Allah ta'ala. Allah, il nous pardonne nos péchés et ça permet d'éloigner le feu de nos visages. Inch'Allah ta'ala. Après, laissez les gens nous critiquer, c'est pas grave. Et donc, c'est important, mon cher frère, qu'on comprenne ce principe dans tous les sujets de notre vie. وعن عتبان ابن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك ابن الدخشم. Et donc d'après عتبان ابن مالك رضي الله عنه, dans son long hadith qui est connu, le hadith qui a été cité précédemment dans le chapitre concernant l'espérance, l'espoir. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier, puis a dit, où est Malik ibn Durshum? Fekale rajulun dhalika munafiq la yuhibbullahu wa la rasulahu. Alors un homme a dit, celui-ci est un hypocrite, il n'aime pas Allah ni son messager sallallahu alayhi wa sallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la taqul dhalik ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah yuridu bi dhalika wajha Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dis pas cela. Ne vois-tu pas qu'il dit la ilaha illallah en désirant par cela la face d'Allah? Wa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Muttafaqun 'alayhi. Et certes, Allah a interdit le feu à celui qui dit la ilaha illallah en espérant pour cela la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On a besoin de 3 cours pour expliquer ce hadith. On fait comment, les frères? Dans le hadith, il y a du fiqh, il y a de l'aqidah, il y a, mashallah, du tawhid, il y a sifat. Ou alors on reste que sur notre sujet. On va rester sur notre sujet, Inch'Allah, puis on verra bi'idnillah. Et donc, ici, dans ce hadith, on a un homme qui a critiqué un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui assiste donc à une assise, à cette assise, dans laquelle il y a un péché qui a été introduit dans cette assise, de la médisance. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il ne s'est pas tué. Il ne s'est pas tué, mais il a réprimandé cela. Et il a dit, la taqul hada, ne dis pas cela. Voilà ce qu'on doit faire au cher frère. On doit avoir le courage. Tu dis à ton frère, ne dis pas ça. Quoi, tu lui mets un coup de couteau si tu lui dis ça? Ne dis pas ça. Même s'il est plus grand que toi, même s'il a plus de science que toi, même s'il fait 2 mètres. Hein? Et donc, les frères, il faut qu'on comprenne, barakallahu fikoum, que le plus important, c'est la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est shara. C'est la législation. Allah, tabaraka wa ta'ala, il a ouvertement fait un reproche à son prophète. Ouvertement. Ce reproche se trouve dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il sera récité jusqu'à la disparition du Coran. Quel reproche? Juz'amma. Abaissa wa tawalla. Il s'est renfrogné, s'est détourné. Anja'ahu al-a'ma. Parce que l'aveugle est venu le voir. L'aveugle il est venu le voir. Ya Muhammad, allimni mimma 'allamaka Allah. Enseigne-moi de ce que Allah t'a enseigné. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était concentré sur les riches et les notables, ceux qui étaient puissants à Quraysh. Et donc, cet homme, lorsqu'il est venu faire cette demande, ça a dérangé le prophète. Pourquoi? Parce que là, c'est un pauvre qui vient. Et il se peut que les autres, après, ils ne veulent plus écouter le prophète. Mais le prophète, il ne voulait pas rejeter cet homme. Mais ce n'est pas le moment. Alors, il a montré sa colère et il s'est détourné. Allah tabaraka wa ta'ala a ouvertement montré que cela n'est pas convenable et il a fait en sorte que les croyants récitent ce verset et que ce verset fait partie des passages qui sont souvent récités dans les mosquées. Juz'amma. Ce sont les passages qui sont souvent récités dans les mosquées. C'est la vérité. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'est pas gêné de la vérité. Est-ce que nous, on va être gêné de la vérité? Nous, on va être gêné de la vérité, les frères. Et donc, tu vois, ton frère, il est dans un péché. Ne sois pas gêné. Dis-lui. Dis-lui. Yahri, ne te dis pas, ah, j'attends qu'il ait fini, parce que là, il y a du monde. Ça, c'est une ambiguïté, ça aussi. Là, il y a du monde. J'attends qu'il ait fini. Et ensuite, je lui dis, pourquoi c'est faux, les frères? Pourquoi c'est faux? L'ambiguïté, c'est je veux le conseiller en privé. Un, le péché il est fait en public, le rappel se fait en public. Deuxièmement, non, je veux plus. Hein? Je veux plus. Et donc les autres qui vont croire qu'on est d'accord. Et les autres aussi, ils font le péché en fait. Lui, il fait le péché. Toi, tu te dis, je vais le conseiller en privé. Tu le conseilles en privé. Mais il faut que tu conseilles tous ceux qui étaient là en privé. Parce qu'ils ont tous fait le péché. À partir du moment où lui, il a péché et eux se sont tués, tout le monde est dans le péché. Tout le monde est dans le péché. Et donc là, il est impératif qu'il y ait une personne qui vienne et qui mette un stop pour aider à sauver tout le monde. Parce que sinon, tout le monde est tombé dans le péché. Il faut qu'il y en ait un qui ait le courage et qu'ensuite les autres qui lui disent Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, frère, on allait partir loin là. On allait partir loin. Jazakallahu khairan. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, que on ne se laisse pas prendre, on ne se laisse pas leurrer par les ruses du diable. Et donc ici, il y a dans ce hadith aussi un point important, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'intention de cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible, mais Allah tabaraka wa ta'ala lui a informé de cela. Voilà pourquoi il dit, ne vois-tu pas qu'il disait la ilaha illallah en voulant par cela la face d'Allah. Et donc ça c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a informé le prophète que cet homme, il était sincère lorsqu'il disait la ilaha illallah et que ce n'est pas un munafiq. Et donc aussi, dans la croyance des gens de la sunna, on a le fait que la ilaha illallah, la ilaha illallah, est une parole qui ne suffit pas si nous n'avons pas avec la bonne intention. Le munafiq, il prononce la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah, le munafiq. Mais pourtant, inna al munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Certes, les hypocrites sont dans les plus bas degrés de l'enfer. Et donc là, cette parole ne lui a pas été profitable. Et donc, si tu veux que la parole « La ilaha illallah » te soit profitable, il faut que tu aies la bonne intention et il faut que tu aies les œuvres qui vont avec. Il faut que tu aies les œuvres qui vont avec. Subhanallah, il n'y a pas longtemps, j'avais lu une parole de Cheikh Ben Baz. On va aller la chercher, Inch'Allah. Naam. Et donc ici, barakallah, fikoum, il y a un sujet, c'est concernant les annulatifs de l'islam. Et il est vraiment dommage que les gens soient négligents sur ce sujet. Le fait d'apprendre les annulatifs de l'islam. Pourquoi est-ce qu'on apprend les annulatifs de l'islam? C'est pour préserver notre islam et ne pas tomber dans un acte ou une parole qui va faire qu'on sort de l'islam, même si on dit la ilaha illallah. Lorsque tu apprends les annulatifs de l'islam, ce n'est pas pour critiquer les gens. Ah, muslim kafir, muslim kafir, muslim kafir. Non, tu apprends les annulatifs de l'islam pour toi. Pour toi. Et c'est important, parce que la parole la ilaha illallah, si tu tombes dans un annulatif, elle ne t'est pas profitable. Voilà pourquoi je voulais vous dire cette parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, qui nous dit. إذا كان يوحد الله ويصلي ويصوم ولا يذبح للأصنام وقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب ماذا تقولون؟ Et donc si une personne elle est monothéiste, elle prie, elle jeûne, elle ne va pas égorger de bestiaux, elle ne va pas faire de sacrifice pour les statues. Mais par contre, cette personne dit « Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam est un grand menteur. » Qu'est-ce que vous dites ?« Yabtulu tawhiduhu aw ma'ahu tawhid » Est-ce que vous dites que son tawhid qu'il a là, le fait qu'il est monothéiste, est-ce que vous dites que le tawhid qu'il a, il reste ou alors le tawhid, il est annulé ? Mais قال محمد كذاب لكن قال ما بلغ الرساله كما ينبغي تساهل. Et dans un autre cas, elle nous dit si la personne elle ne dit pas Mohammed est un grand menteur. Elle ne dit pas cela. Peut-être que ça c'est trop. On descend un peu. La personne elle dit il n'a pas transmis le message comme il se doit. Il a fait preuve de négligence. Donc la personne, elle parle du prophète. Une personne qui est mouahid, monothéiste. Il ne fait pas de shirk. Il prononce cette parole. Le cheikh, il nous baise, il nous dit, yakfur, aoume yakfur. Est-ce qu'il m'y croit ou il ne m'y croit pas? Il dit, bil ijma, aou bil khilaf. Est-ce qu'il y a unanimité ou alors est-ce qu'il y a divergence? Bi ijma il muslimina yakfur. Avec l'unanimité des musulmans, cette personne-là mécroit, elle sort de l'islam. Ou istahza'a bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ou bil janna, ou bin nar, ou billah yakfur. Et donc la personne qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du paradis ou du feu ou d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle mécroit. Ensuite, il repose la question, yakfur ou mais yakfur? La personne, elle mécroit ou elle ne mécroit pas? Il répond encore une fois, yakfur. Walau annahu wahad Allah. Même si il a respecté l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fahada mithluhu. Et donc ça, c'est le même cas. Iza taraka salat mithluhu. Et donc, si la personne délaisse la prière, il est pareil. Même s'il dit là, il a Allah, il est mouahid, si, ça, ça, il a délaissé la prière, il est pareil. Nes'elullah al-afiyah, on demande à Allah de nous préserver. Ensuite, il dit qa'idatun, ifhamouha. Il dit une règle, comprenez-la. Comprenez-la bien cette règle. Quelle est cette règle? Il dit, rahimahullah, ma yanfa'u tawhidu illa liman salima minan nawaqid. Le tawhid n'est profitable que pour celui qui est préservé des annulatifs. Le tawhid n'est profitable que pour celui qui est préservé des annulatifs. Et tawhid, ensuite il répète, et tawhid ou yanfa'u nasa idha salimu minan nawaqidi. Le tawhid, il est profitable aux gens lorsque ceux-ci sont préservés des annulatifs de l'islam. Wa illa ma ma'na hukm al-murtadd fi hadha al-ma'na. Et sinon, quel est le sens de l'apostat alors? Quel est le sens de l'apostat? Il disait la ilaha illallah, ensuite il a fait quelque chose qui l'a fait sortir de l'islam. Donc voilà ce commentaire de l'imam Ibn Baz rahimahullah. J'ai profité pour vous le citer parce que il y avait ici cette parole. Donc la ilaha illallah. On revient sur notre cours, Inch'Allah. Donc, parole de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, dans l'explication de Kitab al-Tawhid, tiré de Sahih al-Bukhari. Et ensuite, le dernier hadith du chapitre. Hadith très important, mashallah. An Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, fi hadithihi al-Tawil, fi kissati tawbatihi. وقد سبق في باب التوبة d'après Ka'b ibn Malik dans son long hadith et l'histoire de son repentir qui a été cité précédemment dans le chapitre de At-Tawba, le repentir. Ka'b ibn Malik, il fait partie de ceux qui donc n'ont pas participé à une bataille et n'avait pas d'excuses. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, les gens, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils citaient des excuses. Et le prophète, il acceptait. Je n'ai pas participé pour telle raison. Il acceptait. Je ne pouvais pas. Le prophète, il acceptait. Mais Ka'b, ainsi que ses deux compagnons, ils n'ont pas pu faire ça. Ils sont arrivés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, par Allah, on n'a pas d'excuses. On n'a pas participé, on n'a pas d'excuses. Que s'est-il passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de boycotter Ka'b et ses deux compagnons. Est-ce que les musulmans, ils ont dit, mais ça, là, c'est dur. Hein. C'est dur. Bon, écoutez, quelqu'un, on a grandi ensemble, on est des frères et tout. C'est dur. Non. Et ils ont boycotté Ka'b et les deux compagnons. À tel point que les gens ne répondaient plus à leur salam et ne leur passaient pas le salam. Ka'b, il dit, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai passé le salam. Je ne sais pas s'il a bougé ses lèvres pour répondre à mon salam. Je ne sais pas s'il a bougé ses lèvres pour répondre à mon salam. C'était difficile pour eux, ils se sentaient seuls. Au bout d'un moment, plus de 48 nuits, au bout de 48 jours, 48 jours de boycott. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à leurs épouses de quitter les maisons. On rajoute le boycott encore. Les épouses quittent les maisons. Elles quittent les demeures. Elles retournent chez elles. Un boycott. Jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse descendre sa parole où il montre clairement donc qu'il a accepté le repentir de Ka'b et de ses compagnons. Alors là, les croyants, ils étaient heureux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, il y a un problème, les frères. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de boycotter notre frère plus de 3 jours. Comment on fait pour rassembler entre le fait qu'il est interdit de boycotter son frère plus de 3 jours et cette histoire de Ka'b ibn Malik qui s'est fait boycotter plus de 40 jours? Non. C'est dans la dunya, le projet, c'est dans la dunya. Ce qu'il a dit. Ouais. Et donc, si ton frère, tu le boycottes pour une cause mondaine, il t'a mal regardé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors, on se boycotte pendant un moment. On n'a pas le droit de dépasser 3 jours. Il t'a mal parlé. Il est venu te voir, il t'a crié dessus. Ah, c'est à moi que tu cries dessus. Et j'ai 10 ans de plus que toi, tu me parles comme ça? Allez, boycott. Allah tabaraka wa ta'ala, il sait que nous sommes faibles. Et que tu ne vas pas revenir vers lui comme ça directement. Le sang, il est monté, la chaleur est montée. Il sait qu'on est faible. Il ne va pas te rendre obligatoire le fait que tu retournes vers ton frère tout de suite le lendemain. Salam alaikum, comme si de rien n'était. Il sait qu'on est faible. Il nous a donné 3 jours. 3 jours pour faire la pression descente. Fais ce que tu veux. Fais du footing, du vélo. Fais comme tu veux. Débrouille-toi. 3 jours, il faut que la pression elle descende. Au bout des 3 jours, tu n'as plus le droit de boycotter ton frère pour un sujet mondain. Maintenant, sujet religieux, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tant que la personne est sur sa déviance, tant que la personne ne se repent pas, le boycott, il continue. Taïb, mais attention. Attention. On ne se précipite pas pour boycotter les gens, pour boycotter nos frères. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu ici dans ce hadith, l'histoire de Ka'b ibn Malik, le boycott a été pour eux une sanction. Et donc premièrement, le boycott est une punition. Deuxièmement, le boycott est une protection. Et donc, une personne, c'est un innovateur, il a une déviance, je veux me protéger de sa déviance. Je le boycotte. Troisièmement, le boycott est un moyen de prêcher. Et donc, tout ça pour dire que, au cher frère, il faut qu'on fasse attention et il y a énormément de sujets à prendre en compte. Premièrement, la propagation de la sunna. C'est-à-dire que si tu es dans un endroit où l'innovation est propagée, les ambiguïtés sont propagées, le sunna sont peu nombreux, et tu vois qu'il y en a un, il a une ambiguïté, il n'arrive pas à s'en débarrasser, etc., etc., etc., est-ce que tu le boycottes tout de suite? Doucement. Les ambiguïtés sont propagées, frère. Il y a beaucoup d'ambiguïtés, les salafiyoun sont peu nombreux. Il y a beaucoup de sectes, beaucoup de groupes. Doucement. Et donc, le sujet du boycott des frères, ce n'est pas un sujet où parfois les frères ils veulent se précipiter à adopter le boycott. Et c'est pour ça que, bismillah, on va faire, inshallah ta'ala, un cours où on verra les règles du boycott. Inshallah ta'ala. Le cheikh Abdullah al-Bukhari, Hafizahullah ta'ala, il a beaucoup détaillé ce sujet. Inch'Allah ta'ala, on va essayer de trouver le temps la prochaine fois que je viens pour aborder ce sujet. Inch'Allah, afin que ça soit clair pour tous. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit injuste en appliquant le boycott. Alors tu veux faire le bien et au final, tu fais plus de mal que prévu. Et c'est pour ça que le conseil que je donne à mes frères, chacun reste à sa place. Chacun reste à sa place. Au lieu toi-même de prendre l'initiative de boycotter, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a des téléphones, tu prends ton téléphone, tu contactes Cheikh Foulen, tu lui envoies un mail où tu trouves une solution pour contacter les méchirs, on a telle personne qui a telle et telle erreur, si ça, on l'a conseillé, qu'est-ce qu'on fait? Nahjuruhu aw nuwasil. On boycotte ou on continue de conseiller. Mais que nous-mêmes, là, on prenne la décision de boycotter, Allah al-Musta'an. Chacun reste à sa place. Taïb les frères. Et donc, dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était assis, donc, à Tabouk avec ses compagnons. Et il a dit, mais fa'ala Ka'b ibn Malik, qu'a fait Ka'b ibn Malik? Qu'a-t-il fait? Où est-il? Fa qala rajul min bani Salima, ya Rasul Allah, habasahu burdah wa an-nadharu fi 'itfay. Et donc le prophète, il demande, il est où Ka'b ibn Malik? Pourquoi il n'est pas venu avec nous? Un homme dit, oh messager d'Allah, sa parure l'a retenu. Et le fait de regarder sur ses côtés. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que Ka'b, il est égocentrique. Il s'occupe de lui, il est là, il est fier de lui, de sa situation, etc. Et donc sa parure, le fait de regarder sa parure, ses vêtements, etc., c'est ça qu'il a retenu. Ô messager d'Allah. Alors lorsque cet homme a dit ça, فَقَالَ لَهُ مُعَاذ ibn Jabal radiallahu anhu بِئْسَ مَا قُلْتُ. Quelle mauvaise parole tu as prononcée. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et donc là il l'a défendu. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. Par Allah, ô messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que du bien. Ça, c'est avant qu'Allah fasse descendre le repentir. Il a défendu Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. Il n'a pas laissé cet homme faire de la médisance. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Alors là, le prophète, صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, il s'est tué. Pourquoi? Parce que c'est bon, Mu'adh, il a fait le wajib. Mu'adh, il a fait le wajib. Il a déjà répondu à cet homme. Et a montré qu'on ne doit pas parler de Ka'b comme cela. Et donc, Mu'adh, il a été courageux. De la même manière, au cher frère, nous devons faire preuve de courage. Ton frère, il est critiqué. Ton frère, il a des défauts. Ka'b, il a eu un défaut à ce moment-là. Ce qu'il a fait était grave. Ce qu'il a fait, radiallahu anhu, était grave. Et c'est pour ça qu'il a été sanctionné après cela. Mais malgré cela, il n'a pas été permis de médire de Ka'b. Et donc, il ne faut pas qu'on pense que sous prétexte que nos frères vont faire des péchés, vont tomber dans des erreurs, il nous est permis de médire d'eux. Non. Il a fait un péché, c'est quelque chose. Toi, tu médis, c'est autre chose. C'est un autre péché. Et donc, nous devons apprendre aux chers frères, barakallahu fikoum, à faire la part des choses, à ne pas être leurré par Shaitan. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allahu ta'ala, waffakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et demain, Inch'Allahu ta'ala, on va aborder le chapitre de la médisance qui est autorisée, la médisance qui est permise. Demain, Inch'Allah.